changé. Comme si bien la reine au vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Ah, tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suppose que tu gémis à présent et qu'à sonner l'heure. Mes adieux à jamais, mais je suis au regret de te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais, et tes larmes ne pourront rien changer. Comme si bien vers elle ou vent mauvais, je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu suppose que tu gémis à présent et qu'à sonner l'heure. Mes adieux à jamais, mais je suis au regret de te dire que je m'en vais, car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Thank you.